Musique, vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Je vais vous présenter une sélection de musique, musique en téléchargement gratuit. Donc, je vous ai trouvé plein de bonnes musiques cette semaine. Vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues. Vous pouvez les télécharger gratuitement, pas besoin de fournir une adresse de courriel ou quelque chose du genre. Donc, pour retrouver toute cette bonne musique-là, on se rend sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez sur la page et vous téléchargez les pièces. L'émission est également disponible en balado-diffusion. Donc, vous avez juste à aller sur la page et vous pouvez télécharger les émissions précédentes. C'est ça. Vous pouvez écouter l'émission quand vous voulez. Cette semaine, on va débuter avec un artiste israélien du nom de Wings of an Angel. C'est un artiste quand même... assez intéressant, qui a quelques albums à son actif. C'est toujours des œuvres assez mystérieuses. Donc, je vais vous faire passer sa pièce Lone Wolf Blues. Cet album-là s'appelle Satsangs in the Dark. C'est publié sur Paralucide. Ensuite de ça, tout de suite après, ça va être Transmission 13. C'est un remix par Turning Torso. La pièce s'appelle Broken Dream. Donc, ça, c'est publié sur Breathe Compilation. Un autre excellent net label. Donc, c'est ça, on débute Web Music tout de suite avec Wings of an Angel. Thank you. C'était une pièce de Transmission 13, donc un remix par Turning Torso. La pièce s'appelle Broken Dreams, Transmission 13, qui nous vient de Manchester, en Angleterre. Avant ça, ben, on avait débuté Web Music avec une excellente pièce par Wings of an Angel. La pièce s'appelle Lone Wolf Blues, Wings of an Angel, comme je vous disais tantôt, qui vient d'Israël. Donc, un artiste vraiment à découvrir. Toujours des albums vraiment, mais vraiment mystérieux. On poursuit Web Music avec un artiste de la ville de Varna, en Bulgarie. Il s'agit de Violent Public Disorderers. C'est aussi le fondateur de l'excellent netlabel Dusted Wax Kingdom. Je vous présente sa pièce Deep Wata Creatures. C'est avec Moodix, donc une pièce vraiment excellente. Ensuite de ça, du fondateur de l'excellent netlabel Deep in Dub, il s'agit de Maurizio Micelli. Je vous fais passer sa pièce Flow de Hope. Donc, Maurizio, qui vient de l'Italie, donc qui a fondé, comme je vous disais, Deep in Dub, un excellent netlabel qui, comme le nom l'indique, se spécialise surtout dans le dub. Donc, un netlabel à connaître si vous aimez la musique dub. Ils ont vraiment beaucoup de matériel intéressant. Donc, ben, c'est ça. On écoute Violent Public Disorderers tout de suite à Web Music. We'll be right back. C'était Maurizio Micelli avec sa pièce Flow the Hope. Donc, Maurizio, comme je vous disais, qui est le fondateur du netlabel Deep in Dub. Donc, un netlabel qui est quand même assez vieux, donc qui est vraiment impliqué dans la scène net audio. Je vous invite à aller faire un tour sur Deep in Dub. Beaucoup de musique, comme vous venez tout juste de l'entendre. Ils ont des albums en téléchargement gratuit, puis ils ont aussi plusieurs mix donc que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, vraiment intéressant. Avant ça, sur Dusted Wax Kingdom, c'était Violent Public Disorders. C'est un artiste de la ville de Varna, en Bulgarie. C'était sa pièce Deep Water. Ça, c'était sur l'excellente compilation Relax Capsule, une compilation lancée par Dusted Wax Kingdom. Compilation assez mollo, donc qui porte quand même bien son titre. C'est le volume 1, donc j'imagine qu'il va avoir d'autres volumes à suivre, donc j'ai bien hâte de voir ça. Pour la suite de Web Music, je vous présente une pièce de Nick TVG. Sa pièce, mon Dieu, je ne me souviens pas, je vous la dirai tout de suite après. Donc, c'est publié sur Chase Records, une excellente compilation, donc en 3 volumes. Qui comprend environ une trentaine de pièces, toutes qui ont comme thème donc la désolation. Une grosse compilation vraiment intéressante, beaucoup d'artistes, des pièces vraiment bonnes. Donc Nick TVG, un artiste qui vient de Costa Mesa en Californie. On écoute ça tout de suite à Web Music. Thank you. Sophie Thibault. L'œillet est un symbole d'espoir pour les 13 à 18 000 Québécois atteints de la sclérose en plaques. Du jeudi 5 au dimanche 8 mai prochain, en achetant un œillet ou un bouquet, vous nous aiderez à vaincre cette maladie neurologique qui atteint principalement les femmes et dont ma mère a souffert durant plus de 50 ans. Faites comme moi, soyez généreux et aidez-nous à stopper la SP. Pour connaître les points de vente, consultez notre site scléroseenplaques.ca ou composez le 1-800-268-7582. Merci. Vous avez envie de vous joindre à l'équipe d'animateurs de CKRL? Nous sommes présentement à la recherche de gens motivés pour la programmation d'été 2011. Soumettre un projet d'émission à CKRL, c'est très simple. Voici un document audio explicatif. C'est le bénévole. Il se rend sur ckrl.qc.ca. Il avance, clique sur « Déposer un projet ». Il remplit le formulaire, fait une passe avec le démo en format MP3 et il clique et envoie et compte! Faites vite! Vous avez jusqu'au 10 mai pour nous soumettre votre projet. Premier arrivé, premier servi. C'est fantastique! CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Abreuvez votre oreille à la source psychédélique de Malo, Lantier et Gronda. Ton oreille a soif. Les jeudis, 22h, au 89.1. Cultive tes goûts. De retour à Web Musique, donc vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, on entendait Nick TVG avec sa pièce Some Persons Change. Donc c'était sur l'excellente compilation Desolation, compilation de 3 disques sur Chase Records. Donc je vous invite à la télécharger, c'est vraiment excellent comme compilation. Plein de styles de musique différents, donc tout autour du thème de la désolation. Donc, une compilation qui a attiré mon attention cette semaine. On va poursuivre avec 2 artistes allemands. Le premier s'appelle Max Cavalera. Et non, c'est pas l'ex-chanteur de Sepultura. C'est Max Cavalera qui vient de l'Allemagne. Je vous fais passer sa pièce Beyond the Skyline. C'est publié sur l'excellent netlabel Brock. Ensuite de ça, sur Tropic Netlabel, il s'agit de Mathis Johnson. Avec sa pièce Sonnen Kinder, vous allez voir 2 pièces vraiment excellentes. On écoute tout de suite Max Cavalera à Web Music. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre Mathis Johnson, donc un Allemand, avec sa pièce Sonnenkinder. C'était publié sur Tropic Net Label. Avant ça, ben, toujours de l'Allemagne, c'était Max Cavalera avec sa pièce Beyond Skyline. C'était tiré de l'album du même nom. Donc ça, c'était publié sur Brock. Je vous rappelle que l'émission a un compte Twitter, donc si vous désirez suivre l'émission, vous avez juste à suivre Web Musique sur Twitter. Donc, et aussi, il y a le blog de l'émission, toujours important pour télécharger les pièces que vous entendez. Donc, rendez-vous au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à toute cette bonne musique. On va poursuivre avec Dub One, sa pièce Massive Dub Job. C'est publié sur Ideology, donc une pièce vraiment excellente qu'on écoute à Web Musique. We'll be right back. C'était une pièce de Dub One, la pièce massive Dub Job. Donc, Dub One, un artiste qui vient de la ville de Eastbourne en Angleterre. C'était ça publié sur Ideology, un net label qui est actif depuis un bon moment. Ils ont plein de bons albums à offrir. Donc, allez faire un tour du côté de Ideology. Ça vaut vraiment la peine, vraiment de la bonne musique. Donc, ça va déjà être tout pour Web Music. On va se laisser sur deux dernières pièces. Donc, c'est ça tout de suite après. D'habitude, c'est le Dr Franco qui est là, mais je crois qu'il doit être parti dans une aventure à quelque part. Donc, il ne peut pas être au micro. Il va être de retour la semaine prochaine. Donc, on va vous offrir une petite sélection de notre directeur musical. Ensuite de ça, à 23h, ça va être Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé. Et ensuite, à minuit, c'est comme d'habitude l'émission Musironie. Donc, c'est ça. On va se laisser avec deux dernières pièces de l'artiste Mild Maynard. Donc, c'est publié sur Black Lantern Music, un excellent net label écossais, donc qui donne principalement dans le hip-hop. Un net label assez intéressant. Donc, c'est deux pièces tirées de l'album Dead Earring de Mild Maynard. La première pièce s'appelle The Fix. C'est, vous allez voir, hip-hop mélangé avec des samplings de films noirs. Donc, le premier sampling qu'on peut entendre, c'est du film Harlem Noir, un film de 1953. Et ensuite de ça, il y a aussi un sampling du film The Killing de Stanley Kubrick, donc un film qui était sorti en 1956, pièce vraiment intéressante. Ensuite de ça, c'est la pièce Little Bird, donc ces deux pièces-là, comme je vous disais, qui sont sur l'album Dead Earring par Mild Maynard. Donc on se quitte là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. Half a dozen private dicks, racetrack cops. I want you to start a fight with a bartender at the track. The track cops will try to break it up. You keep them busy for as long as you can. Make them drag you out of the place. No gunplay, strictly a muscle job. Would it be out of order for me to ask for what it is that you are willing to pay such a price to see demonstrate my talent? I would imagine that it is for more than just your own personal entertainment. $2,500 is a lot of dough, if part of it for not asking. That sounds not unreasonable. Still, I will probably go to jail, and jail is a problem. Is very good. Company is poor. It's a first one. He's on the other charge. Maybe 60 days, nothing worse. The man has been lying, has been around the right places, and won't work on the other side. I do not quite understand, Johnny, for what he wanted to pay for $100. Thank you.

Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donner un portage. Merci. Tous les jours de la semaine, de 10h30 à midi, la boîte à pain Café Napoli vous présente l'émission Univers francophone sur les ondes de CKRL. Une matinée bercée par la meilleure musique d'expression française, à l'image de l'ambiance chaleureuse et décontractée qui règne à la boîte à pain Café Napoli. Réputée pour la qualité de son pain de fabrication artisanale et ses pizzas cuites au four à bois. On vous propose aussi un merveilleux menu santé que vous pourrez emporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-S. 88 647 36 66 ou le 88 977 75 71. Boîte à pain.com. C'est KRL 89. Cultive tes goûts.